C'est l'heure d'accueillir François Morel à présent. Il est 9h03. Ne renoncez à rien, surtout pas au théâtre, aux terrasses de café, à la musique, à l'amitié, au vin rouge, aux feuilles de menthe et au citron vert dans les mojitos, aux promenades dans Paris, aux boutiques, aux illuminations de Noël, aux marronniers du boulevard Arago, aux librairies, au cinéma, aux gâteaux d'anniversaire. Ne renoncez à rien, surtout pas au Chablis, surtout pas au Ruy, surtout pas à l'Esprit. Ne renoncez à rien, ni au pont de Paris, ni à la tour Eiffel, ni place de la République, à la statue de Marianne, résultat d'un concours datant de 1879 et remporté par les frères Maurice, Léopold pour la statuaire et Charles pour le soubassement. Ni au pot de violettes et de prime vert sur le marché aux fleurs, ni à l'amour de Jacques Sally, commandé par la marquise de Pompadour, ni à l'amour, ne renoncez à rien. Surtout pas à Paris, surtout pas au Titi, surtout pas à Bercy, ne renoncez à rien. Ni à Gavroche, ni à Voltaire, ni à Rousseau, ni aux oiseaux, ni aux ruisseaux, ni à Nanterre, ni à Hugo, ne renoncez à rien. Ni au soleil couchant, ni aux collines désertes, ni aux forêts profondes, ni aux chansons de Barbara, ni à la foule des grands jours, ni à l'affluence des jours de fête, aux baisers de l'hôtel de ville, aux étreintes sous les portes cochères, ni aux enfants qui jouent sur les trottoirs, ni aux cyclistes, ni aux cavistes, ni aux pianistes. Ne renoncez à rien, surtout pas aux envies, surtout pas aux lubies, surtout pas aux folies, ni aux masques, ni aux plumes, ni aux frasques, ni aux prunes, ni aux fiasques, ni aux brunes, ni aux écrivains, ni aux éclats de voix, ni aux éclats de rire, ni aux engueulades, ni aux files d'attente, et ni aux salles clairsemées, ni aux filles dévêtues, ni aux garçons poilus, ni à la révolte, ni à la joie d'être ensemble, ni au bonheur de partager, ni au plaisir d'aimer, ni à la légèreté, ni à l'insouciance, ni à la jeunesse, ni à la liberté. Ne renoncez à rien, ne renoncez à rien, ne renoncez à rien, ne renoncez à rien. Surtout pas à Paris, surtout pas aux amis, surtout pas à la vie. François Morel, merci, merci François. Et à vendredi prochain.